بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur notre étude du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, en implorant Allah Azza wa Jal qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions, ainsi qu'il nous accorde la science bénéfique, al-ilm al-nafi' wa al-amal bi-hadha al-ilm. Donc dans la dernière assise, dans l'assise d'hier, on était toujours sur l'étude de la quatrième catégorie. De la quatrième catégorie, lorsque l'auteur dit « al-sinf al-rabi'a ». La quatrième catégorie concernant la question liée aux adorations, le bénéfice, les sagesses derrière les prescriptions divines, derrière les prescriptions et les adorations. L'auteur a mentionné, comme on l'a dit précédemment, quatre tendances, donc quatre pensées. Et donc hier, on était en train d'essayer de comprendre la quatrième catégorie, donc la quatrième pensée, qui est la parole de vérité, qui est considérée chez les grands savants comme la parole de vérité concernant cette question dont on est toujours dans l'effort de compréhension. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur certains points très importants. Donc on a dit, dans cette quatrième tendance, cette quatrième pensée, l'auteur dit que les savants disent que pour comprendre le sens de l'adoration et la raison subtile et suprême qui se cache derrière l'adoration, tout cela repose sur la connaissance du sens véritable de la divinité. Il dit, tout cela repose sur le sens véritable de la divinité. Et il dit, l'individu doit savoir en quoi le Seigneur représente-t-il la divinité. Donc hier, dans la dernière assise, on a lu tout le passage en arabe, on a lu toute la traduction en français. Là, on va prendre certains points, avant de commencer et de continuer sur le sujet d'après, certains points pour comprendre justement la quatrième pensée, puisque c'est la pensée de vérité. Voilà. Donc pour bien comprendre, on a dit, la raison subtile et suprême qui se cache derrière l'adoration, cela repose sur la connaissance du sens de l'ilahiyya. Et pour cela, l'auteur dit, l'individu doit savoir en quoi le Seigneur représente-t-il la divinité. La connaissance de l'ilahiyya, c'est dans le sens que le croyant doit savoir en quoi le Seigneur représente-t-il la divinité. C'est-à-dire « wa al-ilah ». Wa al-ilah. Donc il faut connaître le sens de « al-ilah ». Et donc il dit « l'adoration implique en effet la présence de la divinité. Elle en est la trace et la conséquence. Elle est autant liée à la divinité que les attributs sont liés à leur sujet, que le savoir par rapport au sujet, que la création et le pouvoir de créer, que le bruit par rapport à l'écoute et que la bienfaisance par rapport à la miséricorde, et que les dons sont liés à la générosité. » Donc ici, il donne des exemples à cela. Et ça, c'est la traduction du passage lorsque l'auteur dit et on s'est arrêté sur ça hier. « فَعِنْدَهُمْ أَنَّ سِرَّ الْعِبَادَةِ وَغَيَّتَهَا مَبْنِيٌ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَمَعْنَ كَوْنِهِ سُبْحَانَ إِلَهًا هَذَا هُوَ. C'est ça, là, ce qu'on vient de lire dans la traduction. فعندهم من قام بمعرفة على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا ومرادا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد. Et donc, il dit, si l'individu comprend cela, ainsi il accomple de s'enquérir du sens de la divinité, comme nous l'avons expliqué d'un point de vue étymologique et spécifique à Allah, en tenant compte de sa provenance et de sa référence, d'une traduction relative, grâce à cette connaissance de découvrir le vrai sens et le but de l'adoration. Il dit, sache ainsi que le culte voué à Allah est la raison pour laquelle il a créé l'homme. Pour celle-ci, il a envoyé les messagers, révélé les livres et créé le paradis et l'enfer. Dans l'explication, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, lorsque l'auteur dit « pour celle-ci », c'est-à-dire pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, a envoyé des messagers. Il a fait descendre des livres. Il a créé le paradis et l'enfer, dit l'auteur. قال الشارح أي الجزاء وخلقت الجنة والنار أي الجزاء فمن قام بالعبادة على ما أمره الله فله الجنة ومن انحرف فله النار هذا هو المعنى الصحيح والفهم الصحيح للعبادة. Et donc de ce fait, Allah a envoyé des prophètes. Il a fait descendre des livres et il a créé l'enfer et le paradis. L'enfer et le paradis, c'est considéré الجزاء. C'est considéré comme récompense. فَمَنْ قَامَ بِالْعِبَادَةِ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ. Et celui qui va donc réaliser cette adoration, c'est le sujet, hein, cette adoration. Pourquoi ? Parce qu'Allah Jalla Wa'ala nous a créé pour cette adoration. Et donc, de ce fait, il a envoyé des messagers et fait descendre des livres. Et le paradis fut créé, ainsi que l'enfer. Et comme il est dit dans la croyance des gens de la Sunna, Maujoudatan al-An, ils sont existants. Pour ça, on dit ils ont été créés. Ils sont existants maintenant. Et donc Allah créa le paradis et l'enfer. Ay al-Jaza. Le commentateur, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit, c'est-à-dire la récompense. Donc celui qui accomplit cette adoration, comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné, à lui le paradis. وَمَنْ إِنْحَرَفْ et celui qui dévie de cela, فَلَهُ النَّارِ il obtiendra النَّارِ l'enfer. وَهَدَ هُوَ الْمَعْنَى الصَّحِيحِ et l'auteur dit, le commentateur plutôt, et voici le sens authentique et la bonne compréhension concernant l'adoration. Concernant l'adoration. Et ça, ça nous rappelle un hadith célèbre. Un hadith qui est immense lorsque le prophète Hassam un jour s'adresse à ses compagnons en leur disant كلكم تدخلوا الجنة تدخلون الجنة كلكم vous rentrerez tous au paradis إلا من أبى sauf celui qui s'y refuse. قالوا ومن أبى يا رسول الله ils ont dit au messager d'Allah mais qui est-ce qui refuse de rentrer au paradis. قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. Le prophète dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis, celui qui me désobéit rentrera en enfer. Regardez l'importance de suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dévier de ces enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit l'époque, le temps et le siècle. Le croyant, celui qui témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, doit suivre et apprendre les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que contredire l'ordre du messager d'Allah, c'est s'exposer à une grande fitna. فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Qu'une tentation, une fitna, les atteigne ou bien un châtiment douloureux les touche. Ça, c'est lorsqu'on contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, celui qui prétend la mort du Créateur, il doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et bénédictions soient sur lui. Et donc, pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement cela est important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous rentrerez tous au paradis. Et donc, c'est pour ça que ça a attiré l'attention des compagnons. Vous rentrerez tous au paradis. Kullukum tadkhulun al-jannah illa man aba. Sauf celui qui s'y refuse. Qui est-ce qui s'y refuserait? Celui qui désobéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, ce n'est pas en vain que Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, a envoyé des prophètes et des messagers. Et cela est une miséricorde pour les hommes, comme vous allez voir. Ensuite, l'auteur donc du commentaire nous rappelle que donc la sagesse, ce qui se cache derrière les prescriptions, derrière les adorations, la sagesse, qala, à travers le verset « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Allah nous dit une traduction relative, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Donc vous voyez bien que même les djinns, qui appartiennent au monde des djinns, même eux, ils sont min al-mukallafin. Même eux, ils ont cette charge d'adorer le Créateur subhanahu wa ta'ala comme nous, les êtres humains. Aussi bien les êtres humains, c'est ce qu'on appelle al-thaqalayn, les deux mondes, le monde des djinns et le monde des humains, aussi bien comme les humains, ils ont cette charge. Wa hum mukhatabun. Et Allah s'adresse à eux lorsqu'il leur ordonne de l'adorer, et c'est la raison pour laquelle on a été créé. De même, les djinns doivent vouer adoration au Créateur. Qala fal hikmatu min khalqi al-khalq wa al-ibada. Fallamu lamu at-ta'lil. Et donc, de ce verset, on voit que l'objectif suprême de la création et le but pour lequel on a été créé, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que le lam, illa liyarboudoun, illa li, liyarboudoun, ce lam-là, dans la langue arabe, fait lam ou lam ou ta'lil. Ce lam-là, c'est le lam de ta'lil, de la justification, de l'objectif, du but, al-ta'lil. Donc, al-illatu. Mahiya al-illa, quelle est la raison, la cause pour laquelle nous fûmes créés, c'est al-ibada. Vous allez voir, c'est très pertinent ce qui arrive. C'est pour ça, on explique d'abord l'asl, la base, pour comprendre ce que va dire ensuite l'auteur. Puisqu'ensuite, il va poser une question très importante et répondre à une question importante. Et c'est pour cela que, si donc on a été créé pour l'adoration, on ne peut pas prétendre qu'Allah Azzawajal nous a créés en vain et qu'il n'y a pas de but précis dans cette vie d'ici-bas. أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah nous dit أَفَحَسِبَتُمْ. Est-ce que vous avez cru qu'on vous a créé عَبَثًا? Et lorsqu'on dit عَبَثًا, en vain, sans qu'il y ait de raison, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, et que vous n'allez pas revenir vers nous. Ça, c'est le verset de traduction relative, le verset 115 de la sourate Al-Mu'minun des croyants. Khalaqahum. Qala. Ma khalaqahum abathan bal lil'ibada. Mais, donc l'auteur nous dit du commentaire, donc Allah Azza wa Jalla n'a pas créé les hommes, ma abathan, sans but, sans qu'il y ait d'objectif. Souvent traduit en vain. Mais bal lil'ibadatihi. Mais les a créés pour son adoration. Liya'buduh. Pour qu'il l'adore. Question. Hal naf'u al-ibadati lahum am illah? Maintenant, la question que pose l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit, est-ce que maintenant le bénéfice de cette adoration, elle revient à l'homme ou bien elle revient au Créateur? Elle revient à Allah Azza wa Jal. Al-naf'a, le bénéfice qu'on tire de cette adoration. Qala naf'uha lahum. هذا من رحمته بهم أنه أمرهم أن يعبدوه لأجل أن يرحمهم ويكرمهم فالمصلحة عائدة لهم والله أمرهم بها رحمة لهم وإحسانا إليهم فبين في هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق هو أن يعبدوه. Et donc il dit la réponse est que le bénéfice de cette adoration revient à l'homme lui-même. L'adorateur, le dévot, le bénéfice de son adoration, c'est Aïd, ça revient à lui. Et ça fait partie de la miséricorde du Créateur, ça fait partie de la miséricorde d'Allah, dont il faut méditer. أنه أمرهم أن يعبدوه. Et donc Allah nous a ordonné de l'adorer, li ajli an yarhamahum wa yukrimahum. Pour qu'Allah Azzawajal ensuite leur fasse miséricorde et les honore. Donc on l'adore, et le bénéfice de cette adoration, en quelque sorte, on pourrait dire, c'est dans le sens, c'est dans l'intérêt du dévot lui-même de réaliser le but pour lequel il a été créé. C'est dans son intérêt. Donc dans son intérêt. Et cela est par miséricorde du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Allah les a adorés, Allah leur a ordonné de l'adorer, pour leur faire miséricorde et les honorer. فَالْمَصْلَحَةُ عَائِدَةٌ لَهُمْ. Et donc pour cela, l'utilité, le bienfait, il revient à qui ? À l'homme, lui-même. وَاللَّهُ أَمَرَهُمْ بِهَا رَحْمَةً لَهُمْ. Et donc c'est une miséricorde, qu'Allah nous ait ordonné de l'adorer. Et ça, c'est un honneur pour nous d'adorer le Créateur. Et comme on a dit dans le serment d'aujourd'hui, et ça c'est une parole à méditer, et on avait déjà dit dans des assises précédentes, que cette vie d'ici-bas, elle est bien de cette vie d'ici-bas. Allah, c'est bien là, il les donne à qui il veut. Parmi ceux qu'il aime et parmi ceux qu'il n'agrée pas, ceux qu'il n'aime pas. Donc on voit qu'Allah, Azza wa Jal, parmi ses attributs, le fait d'aimer. Allah aime ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et Allah peut ne pas aimer. Et lui, le croyant, ce qu'il recherche tout au long de son cheminement dans sa vie d'ici-bas, c'est l'agrément et l'amour de son Créateur, qu'Allah l'agrée et qu'Allah soit satisfait de lui. Mais c'est bien de cette vie d'ici-bas, Allah peut les donner à celui qui aime comme à celui qu'il n'aime pas. Par contre, la guider, elle y mène, la foi, ça la donne à l'individu qu'il aime, à la personne qu'il aime. Et donc ça nous laisse à méditer le grand bienfait de la guider. Et lorsque le croyant voit qu'Allah Azza wa Jal a fait qu'il a l'imen, et ça c'est un grand bienfait, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec les biens, mais avec la plus grande fortune, l'imen ne s'achète pas. C'est Allah Azza wa Jal qui met ça dans le cœur de qui il veut. Et ça c'est quelque chose de immense. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri, il est rapporté à son époque, qui disait لو عرف الملوك وأبناء الملوك النعمة التي نحن فيها لجاهدون بالسيوف. Si les rois, les enfants des rois, savaient dans quel bienfait nous vivons, ce qu'on ressent, halawat al-iman, la douceur de la foi, alors ils nous combattraient avec l'épée. Pourquoi ? Parce que les rois s'accaparent toujours les biens du peuple et les richesses du peuple. Alors si les rois, ils voient le peuple, même si certains parmi eux sont miséreux, mais ils ont quelque chose de bien, quelque chose de valeur, ils veulent s'accaparer tout ce qui est de valeur. Et s'ils savaient la ni'ma, ni'mat al-iman, ni'mat al-istiqama, ni'mat al-qur'an, ni'mat al-tilawa, ni'mat al-ibada, et s'ils savaient ce bienfait-là de l'adoration du Créateur, de la récitation du livre, de al-iman, de al-istiqama, de la droiture, ni'mat al-talab al-ilm, le bienfait en plus d'étudier, de se rassembler pour évoquer Kalam Allah, la parole du Créateur, et apprendre notre religion, ça c'est un bienfait qui est incommensurable, c'est d'une valeur incommensurable. Qala ayahsabu al-insanu an yutraka souda. Dans un autre verset, Allah dit, est-ce que l'homme pense qu'il sera laissé comme ça soudan, même arna souda, يعني لا يؤمر ولا ينهى, c'est-à-dire sans qu'il ait des obligations, des devoirs, et sans qu'il ait des interdictions. وهذا حسبان باطل. Mais bien au contraire, l'être humain, il lui sera ordonné des choses, il lui sera interdit des choses, لمصلحته هو, pour son intérêt. Donc on comprend que les ordres d'Allah Azza wa Jal, c'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. Et aussi les interdits qu'on doit éviter, c'est pour notre intérêt aussi. Ensuite, Qal. Regardez, ensuite, l'auteur a mentionné des versets. Il a mentionné des versets concernant la création. Et l'auteur avait même expliqué le verset, l'homme pense-t-il qu'il sera laissé libre ? Un yutraka souda, ici le traduit d'une manière littérale, il sera laissé libre, c'est-à-dire qu'il sera laissé à rien faire وقال الشافعي الإمام الشافعي justement affirmer à ce sujet qu'il ne sera soumis à aucune obligation ni interdiction, c'est-à-dire que le sens du verset est yutraka souda dans le sens qu'il sera ni soumis à des obligations ni interdictions, ça c'est attribué à l'imam Shafi'i. Mais certains même, dans certains livres, ils attribuent, voient cela avant lui. Ils attribuent cela même, comme c'est cité et imputé aussi à Ibn Jarir, à Tabari, et aussi à d'autres. Et certains remontent même cela, cette explication-là, à Ibn Abbas. Certains remontent même l'explication à Ibn Abbas. Selon d'autres exégèses, dit l'auteur, l'homme pense-t-il qu'il ne sera rétribué ni en bien ni en mal pour l'obligation qui lui incombe ? Dans le sens, le verset, est-ce que l'homme pense qu'il a été créé en mal ? Dans le sens, l'homme, ou bien est-ce que l'homme pense-t-il qu'il sera laissé libre sans qu'il y ait dans le sens d'obligation, sans qu'il y ait des devoirs, sans qu'il y ait des interdictions ? Et certains savants l'ont expliqué en disant l'homme pense-t-il qu'il ne sera rétribué ni bien ou ni en bien ni en mal pour l'obligation qui lui incombe. Et dans le texte arabe, regardez l'explication de ce verset, l'auteur dit قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب. Donc ce que vient de lire, ce que je viens de lire, c'est la traduction de ce passage. وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. Et là, l'auteur dit dans Tajrid Tawhid al-Mufid, donc là c'est le texte hein, dans le metn, il dit ces deux tafsirs qu'on vient de lire, aussi bien le tafsir qui est attribué à l'imam Shafi'i et à d'autres avant lui, et le deuxième tafsir que vient de lire, la yuthabu wa la yu'aqab, ces deux tafsirs-là sont authentiques. Ils sont valables. فَإِنَّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ مُتَرَتِّبُونَ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهِي وَالْأَمْرُ وَالنَّهِي هُوَ الطَّلَبُ لِلْعِبَادَةِ وَإِرَادَتُهَا. Comme il dit. Pourquoi ? Parce que regardez, il dit que ces deux interprétations sont bonnes. Il lui incombe en effet de vérifier l'adoration et de la vouloir. Elles sont bonnes, pourquoi ? Il lui incombe donc en effet de vérifier l'adoration et de la vouloir. Le vrai sens de l'adoration étant de la mettre en pratique. Il dit. C'est pourquoi Allah révéla. Et là, on revient maintenant à d'autres versets que l'auteur cite. Regardez le verset, l'auteur ensuite il cite. Une traduction relative du verset, du sens, qu'il réfléchit sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain » dans un verset. Dans un autre verset, une traduction du sens, « Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux, si ce n'est en toute vérité. Allah créa les cieux et la terre en toute vérité afin que chacun soit rétribué selon ses œuvres. » Regardez dans ces versets. Dans le premier verset, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. C'est le premier verset qu'on a cité. قَالَ تَعَالَى إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أي لِأَصْحَابِ الْعُقُولِ وَمَحَالُ الشَّاهِدِ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا يعني عبثا قال فخلق السماوات والأرض لحكمة وهي عبادته وحده لا شريك له. Et là c'est très pertinent, pourquoi? Parce que dans un verset Allah dit est-ce qu'il réfléchit sur la création des cieux et de la terre, et ceux qui réfléchissent disent Rabbana, tu n'as pas créé tout cela en vain. Ceux vraiment qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre, ensuite après méditation, ils savent qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé tout cela en vain. Pour cela, dans un verset, Allah dit « Inna fi khalqi samawati wal ard » c'est dans la création des cieux et de la terre « Wa ikhtilafi al-layli wa an-nahar » et lorsqu'il y a alternance de la nuit et du jour, traduction relative « La ayat » il y a des signes en cela. Mais Allah dit pour qui ces signes ?« Li ulil al-bab » Ces signes, ils apparaissent pas à n'importe qui, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent sur cela et déduisent de cela qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé tout cela en vain. Li ulil albab ay li ashabil uqul, ce vraiment qu'on al uqul, la raison, ceux qui méditent. فمحال الشهيد ما خلقت هذا باطلا. Et donc tu n'as pas créé cela en vain. يعني عبثا. قال. Et donc on déduit quoi? Ça prouve, si Allah donc n'a pas créé en vain, ça prouve qu'il y a une sagesse. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous lire ce passage. C'est délil qu'il y a al-hikma. C'est pour ça que l'auteur insiste sur ce passage. C'est très pertinent, pourquoi? Parce que al-sinf al-awwal hum nufat al-hikam. Eux, ils nient. C'est la doctrine de l'Jibriya. Ce qu'on a, on a dit en français, souvent traduit par les déterministes. Eux, ils nient que derrière les prescriptions divines, derrière les adorations, il y a une sagesse ou un objectif suprême pour cela. Eux, c'est juste lié à la volonté d'Allah. Tout simplement. Et donc, on voit que ceux qui sont doués de raison, ulul albab, après qu'ils méditent et qu'ils contemplent ce monde, yatafakkaruna, et ils réfléchissent sur cela, ils déduisent, ma khalaqata hadha batila, tu n'as pas créé cela en vain. C'est-à-dire, si Allah Azza wa Jalla n'a pas créé cela en vain. Et à travers la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui sont doués de raison, pour les êtres intelligents, ça veut dire qu'il y a une hikmah. Puisque si Allah n'a pas créé cela abathan, en vain, c'est qu'il y a al-hikmah, il y a une sagesse. Et donc ça, ça répond à la première tendance. C'est très important. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a cité les premières tendances, mais maintenant il faut la réponse. Pour qu'on soit apaisé tout le reste de notre vie. Il faut l'apaisement du cœur. Lorsqu'on entend le faux, il faut apprendre le vrai. C'est pour ça que l'auteur maintenant revient, en quelque sorte, il va sous-entendre la pensée des tendances précédentes qu'on a citées. Qala. Donc dans l'explication ensuite, l'auteur dit, regardez, dans un verset, Allah Azza wa Jal dit, ça c'est des versets qu'ensuite cite l'auteur de Ifadat al-Mustafid dans le commentaire. « Wa min ayatihi al-layl wa al-nahar wa al-shams wa al-qamar » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Regardez, Allah nous dit parmi ces signes, traduction relative hein, du verset. الليل والنهار, la nuit et le jour. والشمس والقمر, le soleil et la lune. Ça fait partie de l'ayat, des signes. Allah nous dit, ne vous prosternez pas ni pour le soleil ni pour la lune. وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ, mais prosternez-vous pour celui qui les a créés. Dans une traduction relative, إِنْ كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ, si véritablement c'est lui que vous adorez. Traduction approchée. Pourquoi l'auteur cite ce verset? Puisque dans ce verset, c'est immense. Allah nous dit que parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, Shams, وَالْقَمَرْ. Vous avez vu dans les trois fondements, même l'auteur des trois fondements rapporte une très belle faïda lorsqu'il parle de l'ayat al-kawniya ou l'ayat al-shara'iya. Il dit qu'il y a des ayats qui sont kawniya, des ayats qui sont shara'iya, al-muhim. Il dit فَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ أَنْ يَقُومَ الْعِبَادِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا للتسلي وللنزهة وإنما ينظرون إليها نظر اعتبار واتغاظ واستفادة وتعظيم لله عز وجل وإلا يكون كالذين قال الله فيهم. Et regardez ce qu'il dit. Il dit donc, l'individu, il sait que à travers la création, فخلق السماوات والأرض لحكمة عظيمة, il y a une sagesse qui est immense. قال أن يقوم العباد بعبادة ربهم, que les serviteurs donc doivent réaliser, accomplir l'adoration de leur créateur, de leur seigneur. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, et ils doivent méditer, réfléchir sur la création des cieux et de la terre. Ils doivent méditer sur la création des cieux et de la terre. Donc observez les cieux et de la terre. Yanzuruna ilayha. Ils doivent observer la création. Il dit la litasalli. Pas par pur amusement ou distraction, ou divertissement en quelque sorte. Il dit ni nazar lin nuzaha. Ni pour distraction, divertissement ou promenade, c'est pas ça. Le but de observer la création d'Allah Azza wa Jal. Les gens, beaucoup de gens, lorsqu'ils observent la création, ils voient la beauté de ce monde. Beaucoup de gens parcourent des contrées, les différentes positions géographiques du globe. Ils parcourent des contrées, et plus la personne voyage, plus la personne parcourt le monde, plus il voit les océans, les montagnes, les paysages, et on voit l'immensité de la création d'Allah Azza wa Jal. Et on voit la beauté de cette création. Mais pourquoi faut-il aussi l'observer et méditer sur cela et réfléchir sur la création d'Allah? Pas par pur amusement ou par divertissement ou par distraction. C'est pas juste une promenade à observer les cieux et la terre. Mais c'est vraiment pour un but précis. Et le but précis, regardez ce qu'il dit. Nazar et atibar. C'est une observation pour tirer des leçons. Que ça soit un cours, en quelque sorte. Une leçon, des leçons à tirer. Wattirav, wastifada. Tirav, c'est le rappel. Que ça soit un rappel pour lui. Une sorte de sermon pour lui. Et aussi, il dit wastifada. Et qu'il profite de cette contemplation. De cette observation du monde. Et de ce fait, c'est une vénération d'Allah Azza wa Jal. C'est une vénération d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, justement, il va mentionner le verset de la sourate Yusuf, le verset 105 et 106. Lorsqu'Allah Azzawajal fait allusion aux signes qu'il y a, des signes des cieux et de la terre, yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Allah dit yamurruna 'alayha, subhanallah. Il y a les signes des cieux et de la terre, les gens passent. Et subhanallah, c'est ce qu'on voit, c'est l'habitude de beaucoup de gens. De visiter le monde, de voyager dans le monde, yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Alors que eux en réalité, ils s'écartent du vrai but. Ils s'écartent et Allah dit wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Subhanallah. Et la fin du verset, elle est très très immensément pertinente puisqu'Allah dit et la majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. La majorité des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. On voit dans ce verset est immense. On pourrait faire toute une conférence pour expliquer le verset, et la majorité d'entre eux, la majorité des hommes, croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Ça veut dire que ceux qui ne lui donnent pas des associés, c'est pas la majorité. Et donc ça veut dire aussi qu'on peut croire en Allah, mais en même temps lui donner des associés. Donc croire en son existence seulement, cela ne suffit pas. Il faut l'adorer. Subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration doit être pure et exclusive. Nouansil. Donc je vais passer certains passages. Je vous ai fait profiter de certaines paroles de Shir dans Ifadat al-Mustafid concernant la création des cieux et de la terre. Mais regardez ce qu'il va dire ensuite. Je passe à la page suivante pour qu'on puisse avancer. ولكن ظن الذين آمنوا أن الله ما خلق السماوات والأرض باطلا وإنما خلقهما لحكمة ومنفعة ومصالح وأعظم ما يستفاد هو الاتعاظ والاعتبار فإذا نظرت إلى هذا الخلق دلك على أن له خالقا حكيما ومدبرا وقادرا على كل شيء وليس بالبعث أو وليس بالعبث أو بعبث أو صدفة أو طبيعة لا فهذا مخلوق لحكمة ولغاية ولمنفعة وللفائدة قال. Et donc pour cela il dit, eux les croyants, il dit ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils voient et contemplent cet univers, la création des cieux et de la terre, ils savent qu'Allah n'a pas créé cela en vain. Il n'a pas créé cela en vain. Wa inna ma khalaqahum li hikma, mais il a créé ce monde pour une sagesse. Wa manfa'a, il y a utilité bien fait. Wa masalih, pour l'intérêt. Il y a des intérêts. Et comme on a dit, l'intérêt de l'homme. Et parmi les plus grands bienfaits, ou parmi les plus grandes leçons qu'on va tirer, c'est le rappel. C'est un rappel. Et le fait de tirer leçon de cela. Alors il dit, فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى هَذَا الْخَلْقِ دَلَّكَ عَلَى أَنَّ لَهُ خَالِقًا حَكِيمًا. Et donc si tu regardes ce monde, tu verras que cela va t'indiquer que ce monde a un créateur, littéralement, حَكِيمًا, sage. Sage. مُدَبِّرًا, qui gère cet univers, l'administre. قَادِرًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, qui est capable de tout. Subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ بِعَبَثْ أَوْ صُدْفَةٍ. Et donc, ça n'a pas été créé en vain. Ou c'est pas venu comme cela. Soudainement. أَوْ طَبِعًا. Ou bien ça serait lié à la nature. C'est dû à la nature. Ça serait dû à la nature. Le musulman ne connaît pas cette parole. La nature fait bien les choses. هَذَا شِرْك. Pour nous, ça, c'est de l'association. C'est pas la nature qui a créé. Et c'est pas la nature qui est cause et qui est à la base de ce monde. Mais celui qui l'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La fahada makhluq li hikma wa li ghaya wa li manfa'ati wa li fa'ida. Je vais essayer d'avancer un peu. Donc ça, j'ai vraiment voulu qu'on se concentre sur ce point-là. Pourquoi? Parce que ça réfute la première tendance qui, eux, pensent qu'il n'y a pas de hikma. Et là, vous comprenez que c'est pas pensable qu'il n'y ait pas de sagesse derrière les prescriptions divines. ثم قال المصنف فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة. Et donc de ce fait, regardez, et là il dit, si maintenant on sait que les cieux et la terre ont été créés pour un objectif suprême, فكيف يقال, comment on peut dire, il dit, إِنَّهُ لَا غَيَةَ لَا وَلَا حِكْمَةَ مَقْصُودَ, qu'il n'y a pas d'objectif majeur et qu'il n'y a pas de sagesse مَقْصُودَ voulue à travers la création des cieux et de la terre. قَالَ هَذَا رَدٌ عَلَى الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَهُمَ الْجِبْرِيَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ لِحِكْمَةٍ وَلَا يَنْهَى لِحِكْمَةٍ وَإِنَّمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى لِمُجَرَّدِ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ. Et donc, vous avez vu, le Cheikh, il le dit ici. Ça répond dans un premier temps à ceux qui considèrent que, à travers ou derrière les adorations, les prescriptions divines, il n'y a pas de hikma et il n'y a pas de raya. C'est la parole de la doctrine de qui? De l'Jibriya. Eux, pour eux, donc, c'est quoi? Inna Allah la ya'amur li hikma. Allah n'a pas ordonné. Pour une sagesse. Wa la yanha li hikma. Il n'a pas interdit les hikmas, qu'il y ait une sagesse, alors c'est quoi pour eux? وَإِنَّمَا يَأْمُرْ وَيَنْهَا لِمُجَرَّدِ الْمَشِيئَ وَالْإِرَادَ. Allah, pour eux, il considère que ordonne et interdit cela par volonté. C'est juste lié à la volonté. C'est juste une volonté de sa part, sans qu'il y ait forcément derrière un objectif, un but ou bien une sagesse quelconque. Ça, c'est la tendance de l'Jibriya. Et tout ce qu'on a dit précédemment, là, ça réfute justement l'Jibriya. Donc regardez, c'est très pertinent, parce que quand on l'a lu en français, on n'a pas forcément perçu ce sens-là. C'est que l'auteur aussi bien, dans la quatrième pensée, il mentionne al-mu'taqad al-sahih wa qawl al-sadid, la bonne parole sur le sujet, mais ensuite il revient et fait allusion aux trois tendances précédentes, en montrant l'invalidité de leur pensée. Et regardez, il dit, pour cela, on voit que là, il y a allusion. ثُمَّ قَالَ. Ensuite, regardez, il dit, أَوْ إِنَّ ذَلِكَ. Ou bien, cela, لِمُجَرَّدْ إِسْتِجَرْ الْعُمَّلْ حَتَّ لَا يَتَكَدَّرْ عَلَيْهِمُ الثَّوَابُ بِالْمِنَّةِ. Et là, on voit qu'ensuite, il dit, dans la traduction, en sachant que les cieux et la terre furent créés à cet effet, il devient évident que l'adoration est le but suprême de la création. Point. Donc, à partir de là, dans la traduction, si lorsque vous êtes chez vous, vous voulez relire le passage, vous avez vu, c'est très subtil, c'est assez complexe. À une première lecture, c'est très dur de percevoir l'essence. Il faut plusieurs lectures. Ensuite, il dit, et là, maintenant, pourquoi je fais bien la distinction de ça? Maintenant, il va faire allusion à la deuxième pensée, la pensée de Nufat al-Qadr, al-Qadariya. Et il dit, comment oser dire alors que l'adoration n'a aucun but précis? Toujours sur la première, elle serait seulement, et maintenant regardez ce qu'il dit, elle serait seulement un salaire en contrepartie. Un salaire en contrepartie d'un travail, d'un effort. Ça, c'est la parole de qui? Del Qadariya. Pour eux, l'adoration, lorsqu'on fait l'adoration, c'est en échange, il y a le salaire. Comme le salaire du travailleur et de l'ouvrier. Tout simplement. Donc le Jannah, ça serait le salaire. Le paradis, pour eux, El Qadariya, c'est le salaire. Et nous, on avait pris, on avait appris une règle très importante que nous enseigne l'auteur, et on avait dit qu'il faut apprendre par cœur, c'est que Allah Azza wa Jal, regardez, une règle très importante qu'il faut apprendre. طيب قال أهل السنة يقولون إن العبادات شرعت أسبابا ولا أثمانا. Très importante celle-là. Celle-là, il faut l'apprendre. Les adorations, regardez ce qu'il dit, chez les gens de la sunna, les adorations shuri'at asbaban, elles ont été légiférées comme étant des causes, et non le prix. Pour cela, regardez, juste avant, le shir, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que le paradis, c'est pas le prix. C'est pas forcément, comme on dit, le salaire de ton œuvre. Pourquoi? Parce que tu ne rentreras pas au paradis par ton œuvre, mais tu rentreras au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et par sa grâce. Eux, Al-Qadariya réfute cela. Pour eux, c'est l'œuvre. Il n'y a pas de place à la grâce d'Allah Azza wa Jal et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait bien étudié ce sujet-là. Alors que on fait une action, une bonne action, et Allah, cette action que nous on voit comme une seule bonne action, il nous la décuple. Il la multiplie 700 fois plus, voire plus encore. Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-farq bayna qawli al-jibriyya wa qawli al-qadariyya. Wa hadha huwa jawab ahli sunnati wal jama'a an shubuhat al-qadariyya. Wa ahli sunnati yaqulun inna al-ibadat shuri'at asbaban wa la athmanan. Et ça, c'est une très belle parole qu'il faut apprendre. Une très belle parole qu'il faut apprendre. Et donc, on avait dit pourquoi? Parce que فَعَمَلُ الْإِنسَانِ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِ الْجَنَّةِ. L'œuvre de l'individu en réalité est infime par rapport à la grandeur du paradis et les délices et la félicité du paradis. Si c'est ton œuvre, c'est infime. C'est incomparable avec la récompense du paradis et les délices Naïm al-Jannah. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِي لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. Pour ça, le prophète dit, personne d'entre vous ne rentrera au paradis par son œuvre. Mais, pourquoi? Parce que c'est bisabab il-amel. Donc, l'amel, c'est l'asbab. C'est pour ça qu'on avait dit que le lam dans les versets, ou le ba plutôt, bima kuntum ta'lamun, le ba, c'est l'isababiyya, comme on avait appris. Donc, ça, c'est concernant la croyance de l'qadariyya. Pour cela, lorsqu'on avait parlé de la deuxième tendance, l'auteur avait dit « فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَةِ شُرِعَتْ أَثْمَانًا ». Pourquoi? Parce que pour le Qadariya, il considère que les adorations ont été légiférées « أَثْمَانًا » comme le prix, c'est le salaire. C'est le salaire de cela. On revient. Et donc l'auteur ici, il fait allusion à cela. « قَالَ حَتَّ لَا يَتَكَدَّرُوا عَلَيْهِمُ الثَّوَابِ بِالْمِنَّةِ قَالَ الشَّيْخ في إفادة المستفيد كما يقول القدرية لمجرد استئجار العمال من أجل أن يعطيهم أجرهم استحقاقا لهم. Regardez, c'est comme si que ils rentrent au paradis parce que c'est mérité, c'est son amel, il doit avoir son salaire, c'est mérité. Comme l'ouvrier, on lui donne son salaire après qu'il ait fourni son ses efforts et son travail. Laysa min fadlillahi alayhim. Mais la grâce d'Allah sur eux n'a rien à voir avec cela. Pour eux. Là, vous avez vu ça? C'est clair, c'est mieux. Vous avez compris pourquoi on a besoin de, d'où le mérite des savants contemporains. Vous savez, des fois, vous lisez des œuvres qui datent du 6e, 7e, 8e siècle. Il y a des paragraphes ou des phrases qui sont très, très dures à comprendre. Et subhanallah, vous lisez les savants contemporains, parfois, c'est pour ça que justement, l'auteur des Ifadat al-Mustafid est célèbre pour ça. Allah lui a donné une facilité d'expliquer des choses d'une manière très simple. Vous avez vu la règle, pourquoi moi je vous dis ça, il faut l'apprendre. C'est des règles toutes simples, courtes à apprendre, mais derrière, il y a des sens qui sont immenses. Shura'at al-ibadat asbaban wala athmanan. Derrière tout ça, c'est des études. Il y a des choses. Et non, juste on apprend comme ça. Et c'est ce qu'on appelle vulgariser les choses. Faciliter. Et certains savants ont une facilité de faciliter des choses qui peuvent être, à première lecture, très compliquées. Regardez ici, c'est très simple comment il nous l'explique, mais Shir nous l'explique d'une manière très pertinente. Il dit, وَلَيْسَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَا هُمْ إِسْتَحَقُّ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Comme on a dit, on a appris une chose très importante. Une doctrine, une dérive, parfois, il ne faut pas penser que tout est faux. Ils disent du vrai. Sauf que ce vrai, avec ce vrai-là, ils ont laissé une autre partie vraie. Et au lieu de prendre cette autre partie vraie, eux, ils ont mêlé au faux. Mais sinon, il y a du vrai. Que les, par exemple, que les œuvres, comme on l'a dit, c'est une cause pour rentrer au paradis. On a besoin d'œuvrer, il faut œuvrer. Sauf que si on entend, c'est le salaire. Le paradis, c'est ton salaire. Celui qui n'est pas bien ancré, qui n'est pas bien instruit, il peut y croire. Sauf pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire véritablement. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que tu le mérites. Et il n'y a pas de place à la grâce d'Allah Azza wa Jal et de la miséricorde d'Allah. Alors là, c'est faux. Si c'est ce sens-là, et c'est ce qu'ils sous-entendent, c'est faux. قَالَ فَقَدْ إِسْتَحَقُوا عَلَى اللَّهِ هَذَا الشَّيْءِ كَمَا يَسْتَحِقُ الْأَجِيرُ. Et donc, eux, ce salaire-là, le paradis, ils le méritent, comme le travailleur mérite son salaire. Et donc, ils disent, il n'y a pas de grâce d'Allah Azza wa Jal en cela. Donc, ils disent, le créateur a récompensé sa créature, tout simplement. Et donc, vous avez vu qu'ensuite, l'auteur, eh ben, fait allusion ici à la deuxième catégorie. Ensuite, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. Ensuite, il dit, elle n'a pas non plus la fonction de préparer l'âme à recevoir la connaissance intellectuelle et de la former à aller contre ses habitudes. Là, maintenant, il fait allusion à qui? À la troisième tendance. La troisième tendance qui considère, c'est quoi? La première tendance, l'adoration, il n'y a pas de... Quelle est l'utilité de l'adoration? C'est ça le sujet. La première tendance, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de hikam. Hum, nufat, al-ilal, wal-hikam. La deuxième catégorie, c'est que pour eux, qu'est-ce que l'adoration? C'est juste le salaire. Tout simplement. La troisième catégorie, eux, ils considèrent c'est quoi l'adoration? En fait, l'adoration, c'est juste un effort spirituel. C'est juste un effort pour eux, spirituel. C'est tout. Pour que l'être humain s'écarte de son instinct animal et de la condition animale et bestiale. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a cet instinct-là animal. Et donc, pour s'éloigner de cela, et se séparer de cet instinct-là, et de se préserver de cet instinct, l'adoration, il faut adorer le Créateur. Et donc l'auteur, dans la troisième catégorie, a bien explicité cela. Donc pour eux, quel est le but de l'adoration? Il y a juste ce but-là. Pour eux, ça serait de s'écarter et de s'éloigner de la condition animale. Et de préserver l'âme à être une âme bestiale. C'est ça le but de l'adoration. Lorsqu'ils atteignent ce but, qu'est-ce qu'il se passe? Certains arrêtent donc l'adoration. C'est pour ça que certaines tendances et doctrines arrêtent donc d'adorer Allah Azza wa Jal. D'autres disent non, il faut continuer. Et ceux qui disent qu'il faut continuer l'adoration ensuite se divisent en deux catégories, comme l'a mentionné l'auteur, on l'avait appris dans la troisième tendance. Mais aussi, parmi ce que mentionne l'auteur dans cette troisième tendance, eux considèrent et qu'à partir de là, À partir de là, lorsque l'âme s'écarte de cet instinct et de ses conditions bestiales et animales, et qu'il, donc justement, fait cette sorte de gymnastique. Pourquoi ? Parce qu'il dit c'est riyada. Al-ibada riyada. Pour eux, c'est ça. Et ça, subhanallah, lorsque... Parfois, je pense que vous faites des recherches aussi. Donc, lorsque vous lisez un livre et vous voyez des choses que, par exemple, vous n'avez pas vues, vous allez rechercher. Et subhanallah, lorsqu'on recherche, on voit vraiment que des gens disent ça et pensent ça. Riyada. Que l'adoration, c'est riyada. Une sorte de gymnastique spirituelle, un effort spirituel pour se détacher de l'instinct animal et bestial. Et de ce fait, ensuite, ils disent, et de là, il va être amené à recevoir la science, le savoir. Et c'est pour ça qu'eux, ils mettent en garde contre les assises de Talab al-Ilm. Il ne faut pas aller chercher le savoir. En faisant l'adoration, le savoir viendra. Et donc, ils vont s'isoler. Ils vont se concentrer sur cela, faire cette sorte d'effort spirituel, cette gymnastique, riyada, comme ils disent. Et ensuite, pour eux, le savoir leur vient directement. Pour ça, certains savants, ils avaient expliqué que pour eux, ils ont un degré plus élevé que celui des prophètes. Pourquoi ? Parce que les prophètes reçoivent le savoir par l'intermédiaire des anges. Mais eux, ils disent, le savoir va venir d'Allah, azza wa jalla, directement. Alors, c'est comme s'ils sont mieux que les prophètes. Eux, le reçoivent directement d'Allah, azza wa jalla. Ça, c'est pour les plus religieux parmi eux. Puisque certains parmi eux, ils disent que le savoir, parmi les plus extrêmes, elle roulette, mais Naoula disent non, l'ilm ne va pas provenir d'Allah. Mais il provient de l'aql al-fa'al. Ce qu'on traduit souvent par l'intellect actif. Que l'ilm leur viendra de l'intellect actif. C'est pour ça, et ça, c'est la pensée des philosophes. C'est pour ça que les philosophes, pour eux, la création vient d'où ? C'est l'intellect actif pour eux. C'est pour ça, lorsqu'on a parlé de Al-Majus, Al-Majusiyya, lorsqu'on a parlé de Al-Majus, on a parlé aussi de cette pensée qui considère que ça vient de l'intellect actif. Ça, c'est un autre sujet. Al-Muhim, l'auteur, c'était pour vous dire, regardez, lorsqu'il dit, maintenant vous allez comprendre, elle n'a pas non plus, qui elle n'a pas non plus ? L'adoration, puisqu'on parle de l'adoration. Elle n'a pas non plus la fonction de préparer l'âme à recevoir la connaissance intellectuelle. Il parle de qui ? Justement, de ceux qui considèrent que l'adoration c'est riyada et qu'ensuite ils vont recevoir la science. Ils vont recevoir ensuite pour eux la science. Et donc là, il réfute la troisième tendance. Elle n'a pas non plus la fonction de préparer l'âme à recevoir la connaissance intellectuelle et de la former à aller contre ses habitudes. Il réfute la troisième tendance. Il suffit à la personne, ensuite il dit, il suffit à la personne sensée de concevoir la différence entre ces différentes tendances et les textes explicites de la révélation, pour se rendre compte qu'Allah créa l'homme pour une raison illustre. Autrement dit, il convient de lui vouer l'adoration à laquelle il faut ajouter un amour parfait. Et là, regardez. Là, je vais vous faire part d'une faïda dans l'adoration. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de les deux piliers de l'adoration, on a parlé des deux piliers de l'adoration. On a dit les deux piliers de l'adoration pour adorer le Créateur, on a dit Al-rayatul hub wa at-tadallul. Ça, faut toujours retenir. C'est les deux piliers de l'adoration. Si on enseigne l'islam, et une personne comprend l'islam que c'est l'adoration du Créateur, quelle est l'adoration ? Il faut lui dire l'adoration est bâtie sur ça. L'adoration, c'est quoi ? C'est rayatul hub wa at-tadallul lillahi azza wa jal. Tafadhal. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكبر. لا اله الا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة أتي محمدا. قال المصنف, donc avant de se quitter, قال المصنف, après que l'auteur est cité, donc, et fait allusion aux trois tendances précédentes, regardez ce qu'il dit. وَإِذَا تَأَمَّلَ اللَّبِيبُ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيحُ الْوَحِي عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ الْجَامِعَةِ لِكَمَالِ مَحَبَّتِهِ مَعَ الْخُضُوعِ لَهُ والانقياد لأمره قال فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة. Vous avez vu, souvent on avait dit dans les assises précédentes que l'auteur fait toujours revenir l'adoration d'Allah Azza wa Jal à son origine de base, l'amour du Créateur, al-mahabba. Donc il dit إِذَا تَأَمَّلَ اللَّبِيبُ, il suffit à la personne sensée, une traduction relative, si la personne sensée observe cela, الفرق بين هذه الأقوال, la différence qu'il y a à travers les différentes paroles précitées ou tendances citées. Et les indications de la révélation claire, qu'est-ce qu'il va savoir? Il va comprendre que Allah Azza wa Jalla a créé la création, les ibadati, pour son adoration. Et regardez, c'est ce que dit l'auteur. Donc, il suffit à la personne censée de concevoir la différence entre ces différentes tendances et les textes explicites de la révélation pour se rendre compte qu'Allah créa les hommes pour une raison illustre. Autrement dit, il convient de lui vouer l'adoration à laquelle il faut ajouter un amour parfait, l'humiliation extrême. Là, l'auteur fait allusion aux deux choses, l'amour et l'humilité. Qala, regardez dans le commentaire. Dans ce paragraphe-là, Cheikh, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit « Mais il y a l'ibada ». Il va dire « Mais qu'est-ce que l'adoration ?» Et là, il y a une très belle faïda. Il dit « فَالْعِبَادَةُ هِيَ غَيَةُ الْحُبِّ مَا غَيَةِ الذُّلِّ » Et donc là, il va expliquer que l'adoration d'Allah, en réalité, c'est quoi? C'est l'amour extrême. Un fort amour pour le Créateur. « Ma'a » avec l'humilité, l'humiliation pour ce créateur, pour son créateur. C'est ça l'adoration du créateur. Pourquoi il cite les deux choses? Il faut toujours garder les deux choses. C'est pour ça que ces deux choses, elles sont citées dans Nouniya par Ibn al-Qayyim. Lorsqu'Ibn al-Qayyim explique qu'est-ce que l'adoration, dans le poème qu'on avait cité dans les assises précédentes, lorsqu'Ibn al-Qayyim dit « Wa ibadu al-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani » وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله وبالهوى لا بالهوى والنفس والشيطان. Ça, dans ce vers-là, Ibn Qayyim explique l'adoration, c'est quoi? Il dit que l'adoration, وعليهما فلك العبادة دائر, et que l'adoration tourne autour de ces choses-là, les deux, qui sont, il dit, « وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَيَةُ حُبِّهِ » C'est l'amour du Créateur, subhanahu wa ta'ala, « مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ » Et regardez ce que va dire l'explication très simple, mais très pertinente de l'auteur. Il va nous expliquer les deux. Il dit, وَغَيَّةُ الْحُبْلِ اللَّهِ مَا غَيَّةِ الظُّلِّ اللَّهِ وَالْخُضُوعُ لَهِ. Il dit, فَلَا يَكْفِ الْحُبْ مِنْ دُونِ التَّذَلُّلِ. Regardez, il dit, l'amour, pourquoi on parle de ces deux choses, on rajoute التَّذَلُّل, parce que l'amour seul ne suffit pas. Dans l'adoration du Créateur, d'Allah Azza wa Jal, الْحُبْ لَا يَكْفِ. Il faut مَعَا التَّذَلُّل. Pour ça, Ibn Qayyim dans le vers, il dit, قُطْبَانِ. Ces deux, c'est قُطْبَانِ. Pourquoi? Parce qu'il dit, وَلَا يَكْفِ التَّذَلُّل مِنْ دُونِ مَحَبَّ. Mais à l'inverse aussi, l'humiliation envers le Créateur, parce que vous avez vu, lorsqu'on se prosterne devant Allah Azza wa Jal dans nos prières, on s'incline, نَرْكَ وَنَسْجُدْ وَنَدْعُ وَنَبْكِ. On se prosterne, on invoque Allah Azza wa Jal. Pour les plus croyants, ils pleurent. On a du mal maintenant. C'est ajib parce que, mais on est, certains sont moins touchés, en tout cas nous, moi j'ai besoin de plus que vous de rappel. Dans d'autres pays, Allah l'Azim, l'imam il lit le Fatiha, quelques versets, il ne peut pas tenir. Yibki, yatadabbar al-ayat. Il médite les versets, il médite. Il pense à Allah Azza wa Jal, il pense à son retour à Allah Azza wa Jal. Vous avez vu lorsque par exemple vous faites juste une Umrah? Vous avez vu lorsque vous priez dans les imams, fil haram, l'endroit, al-muqaddas. Vous avez vu comment l'iman, machallah, la foi elle est là. Lorsqu'on prie, vous avez vu cette concentration. Mais lorsqu'on vit et on est dans un contexte où les cœurs parfois avec le quotidien, nos cœurs on s'en rend pas compte, ils s'endurcissent. Et lorsqu'on voit qu'arrivé à un moment on n'arrive pas à pleurer. On n'arrive pas à être mutazallil, c'est ça. Parce que lorsqu'on est prosterné, on est humilié devant le Créateur. Nahnu fuqara ila Allah azza wa jal. On est fuqara. On est des pauvres, nous, envers Allah azza wa jal. Huwa al-ghani. C'est lui le riche qui dit tantôt Nahnu fuqara ila Allah azza wa jal. Anta 'abdun faqir. Tu es un serviteur faqir. Donc anta mutazallil. Tu dois être humilié devant ton Créateur. C'est pour ça qu'on se prosterne, on est prosterné pour lui en toute humiliation. Mais il ne faut pas seulement l'humiliation sans qu'il y ait l'amour. Il faut rayatul hub, le savant dit. Et il ne faut pas qu'il y ait juste l'amour sans l'humiliation. Regardez, les polythéistes, les antagonistes du prophète à l'époque, comment ils se moquaient des compagnons et du prophète aussi, lorsqu'ils les voyaient se prosterner. Ils disaient, regardez, maintenant ils se prosternent dans le sol. Ils ont la tête dans le sol, on ne sait pas ce qu'ils font là. Ils prient leur Créateur de cette manière. Mais ils ne savent pas que ça, c'est un signe immense, la prosternation, parce qu'on est mutazalliloun. Mais regardez ce que va dire l'auteur, c'est là la faïda. Il va l'expliquer d'une manière très simple et très pertinente. فَلَا يَكْفِ وَاحِدٌ دُونَ الْآخَرِ. Il dit, donc l'un ne suffit pas s'il n'y a pas l'autre. Pourquoi? Il dit par exemple, toi tu aimes ton épouse. فَأَنْتَ تُحِبَّ الزَّوْجَ. Tu aimes ta femme. Tu aimes ton épouse. Il dit, wa tuhibb al-mal. Tu aimes l'argent. Wa tuhibb al-sadiq. Tu aimes ton ami. Wa tuhibb al-walidain. Tu aimes tes parents. Wa tuhibb al-awlad. Tuhibb waladak. Tu aimes ton enfant. Tu aimes cela. Lakin. Mais tu t'humilies pas pour eux. Ma indak tadallul. Pour eux. La tatadallal. Donc, ton épouse, tes enfants, les biens, l'argent, ce que tu aimes, tu n'es pas humilié pour cela. Tu ne t'humilies pas. Donc, ce n'est pas considéré comme de l'adoration. C'est pour cela que, par exemple, l'amour de son épouse, l'amour de ses deux parents, l'amour de ses enfants, on appelle ça « al-mahabbatu tabi'iyya ». C'est un amour naturel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mêlé au tazalloul. Si tu mets du tazalloul, ça devient « ibadah ». Ça devient ibadah. Mais si c'est juste un amour, sans qu'il y ait de l'humiliation, c'est pas de l'adoration. Regardez, فقال وهذا ليس عبادة هذه محبة طبيعية. Pourquoi? Parce que tu t'es pas humilié. Il dit, et à l'inverse, lorsque, par exemple, un sujet a peur d'un tyran, il a peur d'un roi, il a peur d'une autorité. Alors, il peut faire apparaître une sorte d'humiliation. Il fait apparaître une sorte d'humiliation. Hadi ilay cette ibadat. Pourquoi? Parce que c'est pas mêlé de rayat al-hub. C'est pas mêlé de rayat al-hub. Fa hada dhul min duni mahabbatin fa anta tubghidhum en vérité. Mais, d'une manière apparente, tu es humilié. Tu as l'humilité. Walakin takhaf minhum. Et du fait que tu as peur d'eux, donc tu as en quelque sorte l'humilité. Fala ibadata min duni hadain al-amrayn ghayat al-hub ma ghayat al-dhul qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi an-nuniyya wa ibadatu ar-rahman ghayat hubbihi ma dhulli 'abidihi huma qutban wa 'alayhima falaku al-ibadati da'irun ma dara hatta qamat al-qutban ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم